Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Il y a des choses à dire, une émission consacrée à l'handicap visuel vu autrement, animée par Papy José. Bonjour à tous, c'est Papy José. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une très bonne année, plein de bonnes choses et surtout, surtout une bonne santé. Aujourd'hui, dans Il y a des choses à dire, consacré à l'handicap visuel vu autrement, nous allons parler de la basse vision. La basse vision, c'est quoi ? D'où ça vient, les causes ? Et surtout, quel impact sur les gens qui sont touchés par la déficience visuelle, surtout par la basse vision. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que leur quotidien soit un peu différent? Pour animer à cette émission, j'ai à mes côtés un spécialiste de la basse vision, un opticien spécialisé dans la basse vision, Alan. Bonjour Alan. Bonjour Papy José. Merci, merci d'être venu et d'avoir accepté de participer avec moi sur cette émission. Avec plaisir. Présentez-vous en quelques mots. Oh ben c'est, voilà, je suis opticien depuis 30 ans sur Nancy et ça fait maintenant 25 ans que je m'occupe de la basse vision. On a eu une demande en fait il y a quelques temps par rapport à ça et on n'avait pas de réponse. Donc on a fait des formations sur Paris pour être plus apte à répondre à tout ça. Et puis maintenant aussi, on a investi sur du matériel, parce qu'il faut quand même beaucoup de matériel en basse vision pour pouvoir présenter ça aux clients. Donc voilà, sinon j'ai fait un cursus classique en tant qu'opticien, un diplôme en BTS, et puis après des formations à côté pour pouvoir être plus spécialisé par rapport à la basse vision. D'accord, donc on reviendra sur tous les aspects, votre carrière, et puis surtout sur tout le matériel. Parfait. Nous allons commencer déjà un peu par planter le décor. La basse vision, c'est quoi ? Alors, la basse vision, il faut savoir déjà que ce n'est pas la cécité. Donc, en fait, c'est une diminution importante de la vision. Ce qui peut permettre, en fait, alors quand je dis diminution importante de la vision, c'est sans correction. Il y a les lunettes, les lentilles, ça ne sert malheureusement plus à grand-chose. Et concrètement, la basse vision, c'est pour une personne qui a un problème de basse vision, c'est une personne qui voit des détails flous ou qui ont du mal à reconnaître les visages. Ça peut être un problème de champ de vision aussi. C'est le champ de vision qui peut être réduit. C'est plein de petites choses, pas des petites choses, mais beaucoup de difficultés comme ça qui impactent la vie quotidienne. Alors j'ai lu que sur un plan légal, hein, la basse vision, c'était pour toutes les personnes qui ont avec correction le meilleur œil, pas plus de 3 dixièmes. Et le champ visuel, 20 degrés, c'est ça ? C'est ça, exactement. Voilà. Il y a même l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a un peu catégorisé ça en 5 catégories, je crois. Donc, il y a vraiment la catégorie 1 ou 2, où c'est la basse vision, comme vous dites. C'est entre 1 dixième et 3 dixièmes, ça c'est une déficience moyenne. Entre 1 dixième et 1 vingtième, c'est une déficience sévère. Et après, la catégorie 3, 4, 5, là, on est plus sur la cécité. On appelle ça la cécité légale, je pense. Hein. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit plus rien du tout, mais c'est qu'on voit très, très mal. Je vais donner un exemple. Je crois la DMLA, parce que la DMLA fait partie de la basse vision. Là, justement, je vais vous laisser nous dire un peu quels sont les types de maladies concernées par la basse vision. Alors, comme vous dites, la plus connue, c'est la DMLA, donc c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et c'est une des premières causes de cécité chez les personnes de plus de 60 ans. En fait, elle est provoquée par une, je ne vais pas être trop technique, mais provoquée par une lésion dégénérative du centre de la rétine. La macula, c'est au centre de la rétine, et du coup, quand c'est touché, c'est ce qui se passe, c'est qu'on a une tache centrale. On a un scotome central, c'est-à-dire que quand vous regardez une personne, vous voyez une tache centrale, et vous voyez autour de cette tache la périphérie. Donc, et dans cette DMLA, il y a deux types de DMLA, il y a la sèche et l'humide. Alors l'humide, c'est celle qu'on peut un peu améliorer avec un ophtalmo, et la sèche, ça c'est celle la plus fréquente où malheureusement, c'est les cellules photoréceptrices qui sont touchées. Il n'y a pas de traitement par rapport à ça. Il faut rappeler que la macula, c'est en quelque sorte la partie qui rend le plus net possible, qui concerne les couleurs, qui concerne... Voilà, d'où oui, tout à fait, c'est ça. Et avec les photoréceptors, donc les couleurs, les contrastes... C'est ça, les cônes. Les fameux cônes. Les fameux cônes. Voilà, d'accord, ok. Et donc, la macula est atteinte et il ne reste plus que la vision périphérique. Et là, la vision périphérique, on ne voit pas grand-chose, si ce n'est que c'est très utile pour la nuit, puisque c'est par là qu'on a tout l'aspect des photorécepteurs, des bâtonnets, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Et puis après, il y a plus ou moins la tâche est plus ou moins importante selon le type de personne. Et après, ça peut être plus ou moins... embêtant par rapport à cette tâche-là, hein, en tout cas. C'est sûr. Alors là aussi, c'est une chose que j'ai apprise, c'est que le cerveau, qui est une machine absolument incroyable, s'il y a une tâche, il arrive à la compenser. Alors non pas que cette tâche, il l'élimine, mais il arrive à compenser en utilisant ce qu'il y a tout autour pour essayer de recréer une image complète. Oui, évidemment, elle n'est pas nette. Oui, voilà, c'est le gros problème. Ce qui est important, on en reviendra dessus, je pense, mais c'est aussi le travail de l'orthoptiste à ce niveau-là. De l'orthoptiste, tout à fait. Faire travailler cette vision périphérique. Exactement. Alors donc, il y a la DMLA qui concerne pas que de la basse vision, parce qu'on peut avoir la DMLA, mais maintenant on arrive pas à traiter, mais n'est pas nécessairement dégénérative jusqu'à la cécité. D'ailleurs, il n'y a pas de cécité dans la DMLA, puisqu'on est sur la périphérique. Tout à fait, oui. Et oui, c'est pour ça, en fait, il y a deux types de DMLA. Il y en a une qui peut être traitée, en tout cas. Donc après ça, la DMLA humide, avec des piqûres dans les yeux, pour faire simple. Exactement. Et après, alors en termes de maladie, il y a aussi le glaucome qui est assez répandu aussi. Et là, c'est de l'hypertension intraoculaire. Donc c'est une tension trop élevée dans l'œil. Ce qui se passe, c'est que ça entraîne une compression des fibres nerveuses et du nerf optique. Et pareil, ça réduit le champ de vision et ça peut baisser aussi l'acuité visuelle. En fait, le glaucome, ça détruit le nerf optique. C'est la maladie silencieuse, je crois qu'on appelle ça. Hein, parce que oui. C'est assez pervers, parce que ça tue le nerf optique. Parce que le nerf optique a, je crois, plus d'un million de récepteurs. De récepteurs, oui. Et au fur et à mesure, ils sont anéantis par la maladie. Mais on ne voit pas, on ne voit rien, on ne sait pas. Non, alors c'est pour ça que c'est bien d'être contrôlé assez fréquemment par l'ophtalmo. Comme ça permet de vérifier un peu la tension oculaire. Et après, s'il y a trop de tension, il y a des petits traitements de gouttes qui se fait. Et c'est toujours bien de vérifier ça avec l'ophtalmo. Ça soigne, c'est exact. Il y a les gouttes et puis il y a également aussi, je crois même, du laser, de la chirurgie. La chirurgie, oui. Aussi, voilà. Bon, après, là, c'est un peu plus technique, mais il y a de la chirurgie complètement qui se fait pour baisser la tension intraoculaire. Ça peut se faire. Alors, c'est des maladies. Hein. On s'y attend un petit peu peut-être, mais ce n'est pas inutile parce que la DMLA, ça touche énormément de personnes au-delà de 60 ans. Oui, tout à fait. Un peu plus. Le glaucome. Un million de personnes à peu près. Il y a beaucoup de glaucome. Il y a des personnes qui ont le glaucome, mais qui ne le savent pas. Parce que, comme je le disais, c'est sournois. Oui, oui. Ça peut se voir qu'avec la tension dans l'œil. Et ça n'a rien à voir avec la tension artérielle, hein, je préfère le dire. Oui, parce que des fois, il y a des clients qui prennent ça en compte, mais ça n'a rien à voir. Pardon. Non, allez-y. Après, il y a aussi la rétinopathie diabétique, où là, ça touche pareil, quand même pas mal de personnes, parce que c'est lié au diabète, et bon, il y a beaucoup de personnes qui ont le diabète. Et c'est une complication pareille qui touche les vaisseaux sanguins. En fait. Mais au lieu de toucher la macula, ça touche la périphérie cette fois. Ça touche la périphérie, oui. Et là, c'est vraiment. Ça provoque en fait des petits micro-anévrismes au niveau vaisseau sanguin, en fait. Hein. Donc là, ça altère le champ de vision. C'est pas la tâche centrale, là, comme vous dites, c'est périphérie. Donc là, ça altère le champ de vision, comme si vous étiez dans un couloir, en fait. Et là aussi, c'est pervers, parce que le cerveau, qui fait toujours son boulot, hein, il le fait toujours très bien, oui. il compense. Il compense, oui. Et puis, on se rend compte, à un certain moment, on dit « Ah, j'ai buté dans une chaise ». C'est ça. Oui, c'est là où on commence à se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Et puis, malheureusement... L'acuité visuelle, après, malheureusement, elle revient pas. À la suite. Parce que là aussi, il y a possibilité de soigner la rétinopathie diabétique. Il y a des traitements, oui. Après, alors, je ne pourrais pas vous dire les traitements exactement, mais il y a des traitements. Contrairement à la rétinopathie pigmentaire, où là, c'est génétique, et là, c'est extrêmement compliqué, pour le coup. Oui. Bon, même si la recherche avance bien, donc là, on en parlera peut-être dans une autre émission. Oui. Là, on a parlé un peu des grandes maladies qui concernent la basse vision. Hein. Il y en a d'autres, évidemment, mais ça signifie que quelqu'un qui est myope, très myope, lui, il n'est pas dans la basse vision. Non. Tout simplement parce qu'on peut corriger. Exactement. Avec... Moi, étant très myope, ouais. je suis à moins d'un dixième non corrigé, mais corrigé, j'arrive à 10 dixièmes. Et c'est ça le problème de la basse vision, c'est que la basse vision, même corrigée, on arrive à une acuité visuelle très basse. Alors voilà, quand on parle d'acuité visuelle, il faut savoir que l'acuité visuelle, une personne qui voit très très bien, c'est 10 dixièmes. Et après, bah, quand on baisse, on peut être à 1 dixième, 1 vingtième, 1 cinquantième en acuité visuelle. C'est ça, c'est ça. Et là, on en arrive un peu au nœud du problème, j'allais dire, sur un plan psychologique, parce que vous, quand vous voyez arriver les... Alors, je ne sais pas si on appelle ça client, patient. Alors, moi, j'appelle ça client. Je ne suis pas médecin. Non, mais c'est tout à fait normal. Oui, oui, tout à fait. Bon, les personnes, quand ça vous tombe dessus, la déficience visuelle et la basse vision, la tendance est de se... Bah, le déni, en quelque sorte. Ah bah, de toute façon, alors... Tout à fait, hein. Comme ça, comme vous dites, hein, quand ils sortent de l'ophtalmo, quand on leur apprend ça, ils sont abattus. Donc c'est le déni, c'est plein de sentiments qu'ils ont. Mais quand ils arrivent et quand ils viennent me voir au magasin, c'est que là, il y a une reconstruction quelque part. Ils ont déjà accepté. L'acceptation est déjà là. C'est qu'ils se disent, voilà, je me mets en route, il faut que je trouve des solutions, il faut que j'arrive à avoir à trouver des systèmes pour pouvoir être un peu plus autonome. Donc moi, dès qu'ils viennent me voir un peu au magasin, c'est qu'ils cherchent un peu des solutions et à tout ça. Ils viennent pas vous voir en vous disant « je veux des lunettes qui me redonnent de la vue ». Non. Moi, je sais que j'ai été comme ça, en fait. Oui, hein, oui, oui. Je pensais que les lunettes allaient tout changer, quoi. Voilà. Oui, oui, bah oui, oui. Bah, après, il y a un discours à avoir. C'est vrai qu'il faut apprendre aux clients à se dire que voilà, c'est une autre manière de vivre. On est là pour accompagner, mais on est là pour... avec des systèmes de loupe, qu'on va en reparler tout à l'heure, mais que c'est juste pour apprendre à avoir de nouveau de l'autonomie et pas se sentir seul. Et c'est là où aller voir un spécialiste en basse vision est hyper important, parce qu'il y a un aspect psychologique énorme dans tout complètement, ça. Complètement, oui, oui. Oui, oui, voilà, oui. Mais il faut discuter, il faut prendre son temps et voir ce que recherche la personne, parce que des fois, il y a des personnes qui viennent... pour me dire, bah voilà, moi j'aimerais bien reconduire et tout ça, bah malheureusement, il faut savoir que ce n'est pas possible. Oui. C'est, voilà. Mais après, nous, on est là pour dire qu'il y a des systèmes pour pouvoir dire une chose bête. Mais moi, généralement, quand on est en magasin, on me dit, voilà, un courrier. Je ne suis pas obligé de demander à mon conjoint, à ma conjointe de lire le courrier. J'aimerais bien lire le courrier tout seul. Donc, il y a des systèmes pour prendre, voilà, de lire le courrier tout seul, faire ses comptes, regarder un peu la télé, voilà. Donc, vous adaptez votre discours en fonction de la personne. La personne arrive et puis elle se confie surtout. C'est hein, ça, vous dit tout ses problèmes. J'ai mes petits-enfants dans le jardin, je ne les reconnais plus. Oui, qu'est-ce que je peux faire? Qu'après, il n'y a pas toujours des solutions, mais en tout cas, il y a toujours quelque chose à faire. En tout améliorer, cas, complètement. On peut toujours un peu améliorer. Ouais, d'accord. Et ben là, c'est un rôle essentiel, hein, je le dis, du spécialiste, parce que. Acheter ce type de matériel, on en reparlera tout à l'heure, des loupes, tout ce qu'on veut, des lampes, on trouve ça sur Internet facilement, il y a des boutiques, et il y a même des... Et c'est ça qui m'interpelle un peu. Je voulais avoir un peu votre action là-dessus. Des associations qui ont pignon sur rue, évidemment, et qui ont des boutiques pour ce type de matériel, et qui deviennent des commerçants. Or, il ne faut pas être un commerçant pour vendre ce type de matériel. Il faut avant tout voir un peu les problèmes de la personne, un peu cerner ce qu'elle a besoin et non pas lui vendre un produit parce qu'elle veut acheter une loupe. Mais ce n'est peut-être pas ça qui est nécessaire. Non, puis alors, le problème, c'est que je comprends après ces systèmes d'association, ça veut aider. Mais après, il y a d'autres systèmes. Automatiquement, ils vont peut-être aller sur des systèmes de loupe électronique alors que peut-être... un système de lunettes de près avec un effet prismatique pourrait convenir, ou juste un éclairage. Donc il y a plein de tests à faire avant de vendre ces produits-là. Des tests à la maison, au travail. Moi j'ai les clients qui viennent, on essaye des appareils au travail, au magasin. Mais après il faut faire ces tests-là aussi. Vous prêtez. Je prête. Ce qui n'est pas toujours évident hein, d'avoir des prêts. Hein. Oui, oui. Mais c'est tellement normal, en tout cas. Pour moi, ça me paraît. Ah oui, parce que ce n'est pas les mêmes éclairages et tout ça. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Tout à fait. La première partie de l'émission est déjà arrivée à son terme. Ça va très, très vite. Hein. C'est incroyable. Hein. Alors, on va faire une petite pause musicale avant d'aborder justement tous ces aspects techniques pour la basse vision. Nous allons écouter une chanson que j'ai écrite, hein, qui est un extrait d'un de mes albums, Plein soleil dans la nuit. Cette chanson s'intitule « T'as de beaux yeux, tu sais ». C'est pas pour vous, Alan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cette boule, une merveille, plus fort que la haute technologie. Pas besoin de batterie, elle marche même la nuit. Tout est automatique et pourtant c'est pas une machine. Juste une partie de toi et y en a deux, imagine. Qu'il est copié mais pas encore égalé. Grâce à ses photorécepteurs apprécie son efficacité. Avec des cônes et des bâtonnets, il est bien équipé. Regarde-moi, t'as de beaux yeux, tu sais. L'œil, la perfection, la plus belle des fenêtres. Une ouverture sur la beauté de la vie. Parfois c'est la pénombre. Cristallin, les rétines veillent. Zoom intégré avec un max de pixels. Relié par le nerf optique au cerveau, le patron envoie des données. Une mémoire pour les souvenirs, tout est stocké, c'est le pied. L'œil, la perfection, la plus belle des fenêtres. Une ouverture sur la beauté de la vie. Parfois c'est la pénombre, les volets se ferment, alors obligé de compenser pour surmonter les embûches de la nuit. L'œil, la perfection, la plus belle des fenêtres, une ouverture sur la beauté de la vie. Parfois c'est la pénombre, les volets se ferment, alors obligé de compenser pour surmonter les embûches de la nuit. Oh. Perfection, la plus belle des fenêtres, une ouverture sur la beauté de la vie. Parfois c'est la pénombre, les volets se ferment, alors obligé de compenser pour surmonter les embûches de la nuit. Bien, nous revoilà. Ça va, Alan ? Parfait. Toujours prêt ? Parfait. Toujours prêt. On va parler un peu plus de vous maintenant en tant qu'opticien spécialiste en basse vision. Vous êtes nombreux sur Nancy ou tous les opticiens ont un spécialiste en basse vision ? On n'est pas trop nombreux. Non, tous les magasins n'ont pas un spécialiste en basse vision. Non, non. Je pense sur Nancy, alors je vais peut-être me tromper, mais on doit être 4 ou 5 magasins à vraiment faire de la basse vision sur Nancy. D'accord. Et donc, alors, il y a une chose que je n'ai pas oubliée, mais bon, je n'ai pas le temps d'en parler. J'avais lu qu'il y avait ce qu'on appelait un bilan basse vision. Je ne sais pas, ce n'est pas quelque chose comme ça que vous faites quand la personne arrive, vous ne la connaissez pas. Oui. Il faut faire un bilan. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est un bilan basse vision. Une étude de cas, tout à fait, oui. Donc, on voit un peu l'acuité visuelle qui reste. Et il y a plein de petites d'exercices à faire, en fait, pour voir un peu si c'est un problème déjà... d'acuité visuelle, de champ de vision, Donc on travaille là-dessus pour voir quel type d'appareil après on peut proposer à cette personne. Et puis des questions bien précises sur son mode de vie. Oui. Sur ses déplacements, ce genre de choses. Oui, aussi. De toute façon, la personne, voilà, comme on disait tout à l'heure, quand elle vient, elle s'ouvre un peu, elle dit vraiment voilà, ce qui lui manque le plus. Et après, nous, on va travailler par rapport à sa demande, aux besoins de la personne. Donc, d'accord. C'est vraiment du cas par cas, en fait. Hein. C'est du cas par cas. Donc, on va en venir justement à comment on répond à ses besoins. Alors, là, encore une fois, moi, j'ai regardé un peu tout ça. Donc, il y a les trois aspects du matériel, l'optique. Oui. Matériel optique, il y a électronique et puis il y a le non-optique. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu tout ça ? Bien sûr. Bah, déjà, c'est vrai qu'on pense tous, quand on parle de basse vision, on pense à la loupe classique. Donc après, les loupes classiques, c'est les petites loupes qu'on tient à la main. La loupe du détective. Oui, voilà. La grosse loupe. Voilà. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est que plus elles sont grandes, moins elles grossissent, hein, les loupes. Okay. Donc c'est vrai que des fois, quand on veut voir des grossissements très élevés, le problème, c'est que les loupes sont très petites. C'est du 3 cm, 4 cm, avec des grossissements de 6-8 fois. Et le problème, c'est qu'on lit pratiquement lettre par lettre, quand on a des grossissements assez élevés. Donc, il y a ces systèmes de loupes classiques avec un système d'éclairage. L'éclairage est très important. C'est nouveau, l'éclairage, je crois. C'est pas si récent, c'est pas si ancien que ça. Hein. Il y a vraiment les histoires d'éclairage comme juste la lampe, mais après, il y a aussi des petits éclairages qu'on peut mettre directement sous la loupe. C'est vrai que c'est assez nouveau, mais c'est hyper important. Et ils ont même maintenant créé différents types de couleurs d'éclairage par rapport aux problèmes de vision qu'il y a. Pour accentuer le contraste. Exactement. Il y a du jaune, il y a de l'orange, il y a du blanc. Donc ça accentue exactement le contraste, tout à fait. Donc ça, c'est les aides en loupe classiques, avec des grossissements maintenant assez élevés. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent sur les optiques pour que ce soit moins déformé. Parce que plus on grossit, plus l'image est déformée. Oui. Et maintenant, on travaille sur les loupes pour qu'on ait moins de déformation, pour pouvoir être le plus confortable possible. Donc ça, c'est des systèmes de loupes classiques. Et après, on arrive sur des loupes, après, un peu plus techniques, c'est les loupes électroniques. Quand on se rend compte que la loupe classique ne convient pas, ce n'est pas assez suffisant en termes de grossissement, on part sur des loupes électroniques. Une loupe électronique, c'est un système avec une caméra intégrée dans la loupe et qui retranscrit l'image sur un petit écran. Donc après, vous avez des loupes électroniques de petite taille, de 5 pouces, 4 pouces, qui font à peu près 10-15 cm. Et après, vous pouvez avoir des loupes un peu plus importantes qui font un écran comme un iPad. Et par la suite, il existe aussi des télagrandisseurs, où là, c'est comme un ordinateur, on va dire. Ou pareil, c'est une caméra où vous posez votre texte en dessous et l'image est retranscrite sur l'écran que vous avez devant vous. Donc ça, c'est un peu tous les petits systèmes optiques, on va dire, techniques. Et il y a aussi des systèmes de filtres. Ça, c'est encore autre chose. Et ça, c'est hyper important, les filtres. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que selon le problème de maladie qu'on a, il y a des filtres qui augmentent les contrastes, qui protègent la vision, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a comme par exemple les filtres jaunes qui augmentent les contrastes à l'intérieur, et les filtres un peu orange aussi, ça augmente vraiment les contrastes. Et après, vous avez des filtres pour l'extérieur qui protègent du soleil et en même temps qui augmentent les contrastes. Et ça, c'est hyper important. Alors moi, ce que je précise, c'est que j'ai touché un peu à tout ça, hein, oui. Puisque la loupe électronique, j'en avais une quand je voyais encore un peu, quand ma vue a commencé à fortement baisser. Et c'est vrai que c'est formidable parce qu'on change le contraste, mais c'est incroyable, on fait des choses incroyables. Oui, oui. Et le téléagrandisseur, je ne suis pas trop pour, mais je vais dire pourquoi je ne suis pas trop pour. Parce qu'il existe, parce que c'est très cher, oui. C'est très très cher, et en plus il n'y a pas d'aide si ce n'est par la MDPH, hein, dans le cadre de la compensation à l'handicap, la prestation contre la compensation à l'handicap, et c'est très très cher, et bon, je sais que j'avais un autre système, moi aussi, on branchait ça sur l'ordinateur, et c'est l'écran de l'ordinateur, oui, qui devenait téléagrandisseur. Oui, du coup vous aviez une loupe électronique classique. C'était une caméra. Une caméra. C'était une caméra que j'orientais vers la feuille. Je pouvais même orienter parce qu'en fait, l'objectif, c'était de pouvoir filmer dans le cadre d'une quand j'étais étudiant ou sur un... Enfin, j'étais plus étudiant, mais dans des formations. Oui. Regarder un écran loin, un tableau. Oui, oui. Et donc, vous orientez la caméra et ça repassait sur l'écran de l'ordinateur. C'est formidable, ça. Hein, oui, oui, tout à fait. Et le prix n'est pas le même. Pas le même qu'un téléagrandisseur. Oui, oui. Mais ça, pareil, ça a évolué parce que ces systèmes-là existaient il y a quelques années aussi. C'était Zumbaxos qui faisait ça, pour ne pas les citer. Mais c'était pour les étudiants où ils avaient un système de caméra pour la vision de loin et vous basculez pour la vision de près. Et ça, c'était super sympa, ces systèmes-là. C'est ça. Et je connais des gens qui ont un téléagrandisseur, mais ils ne se rendent pas compte que ça ne leur sert pas à grand-chose parce que c'est très fixe. Oui. C'est chez soi, dans son bureau, c'est énorme, ça prend de la place. Et ça coûte des 10 000 euros, je crois. C'est entre 3 000 et 10 000 euros après les systèmes, encore, oui, tout à fait. Oui. C'est énorme. Alors que la loupe, tout simplement, la loupe qu'on met dans son sac à main, alors c'est sûr, déjà, elle coûte pas loin de 1 000 euros. Oui. C'est pas donné, tout ça. Non, malheureusement, non. Et puis la loupe, du coup, ce qui peut être bien quand même, c'est que la loupe électronique, donc vous pouvez la prendre avec vous en déplacement. Et après, vous pouvez la brancher, comme vous dites tout à l'heure, sur votre écran pour l'utiliser comme un télagrandisseur, en fait. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, les télagrandisseurs, j'en fais pratiquement plus. Je vois maintenant en loupe électronique, ça a tellement évolué que c'est vraiment le système qui est pas mal du tout en termes de grossissement. Alors, je reviendrai sur les filtres après. Oui. Quand on parle de ça, moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est le téléphone, mon smartphone. Oui. Et avec l'appareil photo du téléphone, on peut faire une loupe électronique à moindre coût, puisque le téléphone, il vaut 1 000 euros, et puis rien que la loupe, vaut 1 000 euros. Parce qu'il y a des téléphones aussi spécialisés pour les non-voyants, je pense au Smart Vision 3, par exemple. Oui. Est-ce que vous commercialisez, non pas nécessairement pour le vendre, mais en tout cas pour le conseiller, pour montrer comment ça marche, je sais pas. Alors, ce modèle-là, ce type d'appareil-là, je ne commercialise pas, en fait, ce type d'appareil-là. Mais après, l'avantage, c'est que si je vois que la personne est assez à l'aise et qui veut ce système-là, je peux les avoir en prêt. Moi, je travaille avec différents fabricants et tous ces types d'appareils, j'ai pas tout en magasin, c'est pas possible. Pas possible. Mais parce que ça serait très très onéreux. Mais l'avantage avec ces entreprises qui travaillent dans la BaseVision, c'est qu'ils nous prêtent très facilement les appareils pour pouvoir les essayer. Donc ça peut être envisageable, hein, en tout cas. Bon, moi je sais qu'en termes de téléphone, le téléphone standard, normal, Samsung, iPhone, peu importe, oui. Pour moi c'est très bien. Le Smart Vision 3, c'est vraiment fait pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser le tactile et qui utilisent des grosses touches du téléphone. Mais ce sont des téléphones formidables. Ils ne sont pas trop trop chers pour une fois. Tiens, un Smart Vision 3, il faut compter 400-500 euros. Quoi. C'est pas énorme par rapport à un iPhone qui en vaut 1500, quoi, 1000 euros de plus. Exactement. Ou même un appareil de loupe électronique, on est entre les 500 ou 1000 euros. Oui, c'est ça. Loupe électronique aussi. Hein. Tout à fait. Je vais revenir sur les filtres. Oui. J'ai moi-même des filtres. Des filtres orange. Que j'avais déjà quand je voyais encore. À l'époque, on m'avait dit, José, fais ces filtres. Ils vont bientôt plus être vendus parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Est-ce que maintenant, il y a plus de demandes? Est-ce que c'est un peu plus démocratique? Parce que c'est cher aussi, ces filtres. Mais par contre, la Sécu rembourse une partie, non? C'est comme des lunettes. Du coup, la Sécu rembourse une partie. C'est comme, c'est comme si vous prenez des verres teintés, des choses comme ça. En termes de remboursement, c'est exactement la même chose. Après, c'est vrai que techniquement, je n'ai pas spécialement énormément de demandes de filtres techniques. On appelle ça des filtres thérapeutiques, en fait. Mais dès que j'ai une personne pour de la BaseVision, je parle automatiquement des filtres. C'est hyper important. Par exemple, en fait, je travaille un petit peu en parallèle avec le centre Santifontaine où ils ont Clairvision et qui sont très très bien. Là, je vais faire un peu de pub, mais ils sont vraiment très très bien. Ils vous apprennent plein de choses et ils font des essais de filtres. Et c'est très très important tout ce qui est filtre. C'est parce que vous pouvez les avoir sur vous, vous pouvez vous promener avec et vous avez un gain de contraste qui permet quand même de bouger un peu plus facilement et aisément, par exemple, ou après à l'intérieur aussi. Ça rajoute un peu plus de lumière, les filtres jaunes, comme je disais tout à l'heure, ça augmente les contrastes. Donc, c'est le même principe que la lumière blanche, sauf que là, vous l'avez sur un filtre dans le verre de lunettes. Donc, c'est hyper important. Ouais, on a l'impression, quand on rentre dans une pièce, de voir mieux, parce que c'est un peu plus éclairé. Et c'est vrai que ces filtres... Alors, les gens connaissent bien les filtres quand on parle de lumière bleue. Oui. Toujours, les écrans, ça fatigue les yeux, donc mettez des filtres. Oui, complètement. Il faut bien qu'ils se rendent compte qu'il y a d'autres filtres qui sont hyper, hyper intéressants. Tout à fait. Bien, deuxième partie, on arrive au terme de la deuxième partie. Décidément, moi, j'ai qu'une envie, c'est de continuer. Écoutez, on va en tout cas faire une deuxième pause. Cette fois, c'est une pause, un clip audio qui met en valeur l'intérêt d'aller voir un opticien spécialisé en BaseVision. On se penche aujourd'hui sur une synthèse pour une émission de radio. Le sujet, c'est la basse vision. Le texte est très bien documenté, mais il manque un petit quelque chose pour vraiment nous embarquer. C'est exactement ça. Le contenu est là, il est juste, mais il ne touche pas. Je crois que le premier point, c'est que le texte parle de technique, de définition, mais il oublie de parler des gens, en fait. Tu veux dire que c'est trop clinique ? Voilà, c'est ça. On met une distance, alors qu'il faudrait créer de la proximité. Je vois. Mais pour un format radio, on cherche l'efficacité. Si on part sur une histoire, on ne risque pas de tomber un peu dans le pathos, de perdre l'auditeur qui veut de l'info claire. C'est un vrai risque, mais je crois que c'est tout le contraire. Une liste d'aides techniques, c'est super dur à mémoriser. C'est vrai. Par contre, si tu l'intègres dans un récit, là, ça prend tout son sens. Il faut incarner le sujet. D'accord. Au lieu de définir la DMLA de façon médicale, on pourrait commencer par une phrase simple, genre « Imaginez que les visages de ceux que vous aimez deviennent flous ». L'impact est immédiat, non ? Oui, là on accroche tout de suite l'auditeur. Et je vois comment on peut dérouler ça. Vas-y. Au lieu de juste énumérer les solutions, on les présente comme des réponses. Pas juste la loupe électronique, mais l'outil qui vous permet de lire à nouveau votre journal. Exactement. L'aide technique devient une reconquête. C'est ça. Et cette idée de parcours, de reconquête, ça m'amène à mon deuxième point. Qui est le guide dans cette aventure ? Pour l'instant, le texte présente des solutions, mais on a l'impression d'être seul face à un immense catalogue. C'est vrai, il manque un fil conducteur humain. On ne sait pas vers qui se tourner. C'est un peu éclaté entre le médical, le technique. On peut vite se sentir perdu. Et si tout le segment tournait autour d'un personnage clé, l'opticien spécialisé ? Ah, intéressant ! Il ne serait plus juste un technicien qui vend du matériel. Il deviendrait le metteur en scène des solutions. J'aime bien l'idée. Une sorte de coach de vision. Ou un architecte visuel, si tu veux. Ça change complètement la perspective. Oui, mais comment on fait pour que ça reste concret ? Pour que ça ne sonne pas juste comme un slogan marketing ? En structurant tout le récit autour de son accompagnement. Étape 1, le dialogue. Le dialogue. Froid. C'est une discussion pour comprendre les buts de la personne. Ça peut être « je veux refaire mes mots croisés » ou « je veux reconnaître les gens dans la rue ». Exactement. On part du besoin, pas du produit. C'est beaucoup plus humain. D'accord. Et ensuite ? Ensuite, l'étape 2, on crée ensemble la boîte à outils. Ce n'est plus un catalogue, mais un arsenal de solutions sur mesure que l'expert aide à composer. Donc une loupe pour la lecture, des filtres spéciaux pour l'extérieur. Voilà, peut-être un téléagrandisseur pour regarder des photos. Chaque outil a une mission précise. Et il y a une troisième étape. Bien sûr, et c'est la plus importante. Une animate. L'apprentissage. Le travail ne s'arrête pas à la vente. L'opticien accompagne la personne pour qu'elle apprenne à maîtriser ses nouveaux alliés. Et là, la boucle est bouclée. Donc pour résumer, la transformation se joue sur deux plans. C'est ça. D'abord, on change de perspective. On passe d'une fiche technique un peu désincarnée à une histoire humaine. L'histoire d'une personne qui regagne son autonomie. Et deuxièmement, on donne un visage et une structure à cette histoire. En faisant de l'opticien spécialisé le guide, le fil narratif qui rend tout le processus clair, logique et surtout moins intimidant. L'auditeur ne retient pas seulement des informations, il comprend un parcours. Exactement. C'est beaucoup plus puissant. C'est très clair. On est impatientes de voir comment ces pistes peuvent transformer le texte. N'hésitez pas à nous le soumettre à nouveau une fois retravaillé. Bien, on arrive au terme de notre émission, mais je voudrais pas vous quitter sans parler un peu avenir. Le matériel évolue, Alan, comment ? Parce que ce matériel, il y a toujours des présentations de façon annuelle dans des salons. Voilà. Tout à fait, oui. Il y a le salon, une fois par an, il y a le salon de l'optique sur Paris, et il montre un peu tout ce qui est évolution au niveau technique, au niveau technologique. C'est vrai que tous les ans, maintenant, il y a 30 ans, c'était vraiment pris à la légère tout ce qui était basse vision. Maintenant, ils essayent de trouver des solutions par rapport à tout ça, donc c'est très très bien. Et c'est vrai que ça va vite évoluer, hein, entre l'IA, entre les lunettes connectées. Donc il y a beaucoup de choses qui vont... Les lunettes connectées qui sont vraiment très démocratisées, puisqu'en fait, à l'origine, les lunettes connectées, il y en a effectivement spécialisées dans la basse vision ou dans les gens qui ne voient plus du tout. Oui. qui sont excessivement chers. On se rend compte qu'ils sont très chers et qui présentent moins d'avantages ou moins de fonctions que les fameuses lunettes Ray-Ban Meta ou les fameuses futures Google, Samsung, etc. Non, mais oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire par rapport à tout ça. C'est même sûr. Et puis en termes de tarifs, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Alors juste pour nos auditeurs, les lunettes spécialisées pour les malvoyants, non-voyants, il faut compter plus de 1000 euros. Nos Ray-Ban Meta, j'en ai une paire. Ray-Ban Meta, elles font 350 euros. Oui. Et alors, avec caméra, c'est un peu plus cher, mais bon, j'ai pas besoin de caméra, moi je vois pas. Et voilà quoi. Alors il y a une autre peut-être perspective, alors je sais pas, donc c'est la substitution sensitive. Oui. Alors c'est le fait de... on voit plus, donc il faut transmettre l'information au cerveau par un autre biais. Alors l'œil, l'air optique ne fonctionne plus, alors on va utiliser le toucher. Notre sens, oui. Voilà, vous connaissez Alan ? Alors j'en ai entendu parler, mais c'est... Alors c'est vrai que c'est assez récent, et notamment une entreprise s'appelle Arta France, hein, qui a eu, je crois, c'est les inventions, comment ça s'appelle, le Nobel des inventions, enfin bref. toujours est-il que c'est en quelque sorte une ceinture dorsale qui, avec des picots, qui donnent des petites sensations dans le dos, il y a une caméra qui transmet l'information à ces picots dorsaux, et ça, le cerveau, à force, s'habitue à reconnaître des images. Ouais, alors, j'ai vu aussi qu'il existait la même chose, et tout ça, c'est commercialisé. C'est là où je vois que, franchement, c'est formidable. Il y a plein de choses qui arrivent. C'est sur la langue. C'est un petit capteur que vous mettez sur la langue. Ça vibre un peu comme des bulles de champagne. Moi, j'adorerais ça, hein, des bulles de champagne. Enfin, bref. Et c'est pareil. Ça transforme l'image avec des signes qui sont envoyés au cerveau. Enfin, voilà. Ça marche. Alors, c'est sûr que l'image n'est pas comme quand on la voit. L'image est grossière. Mais en tout cas, de savoir qu'un homme vient vers vous, ou une femme, ou un chien, c'est quand même important. Quoi. Bah, complètement. Important. Ça permet aussi voilà, de l'autonomie et... Mais c'est là qu'on se rend compte que le corps humain est passionnant. Et que le cerveau. Mais c'est une machine absolument incroyable. Il faudrait que je fasse une émission là-dessus, mais il faut que je trouve un spécialiste qui puisse m'en parler ça beaucoup. Ce sera pas moi. voilà. Pour conclure, Alan, cette émission, merci encore voilà. D'être venu. C'est franchement merci d'avoir sympa. Invité. Qu'est-ce que vous en tirez? Est-ce que... par rapport à la basse vision, comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il faut rechercher des partenariats, les associations? Est-ce comment elles se comportent? Est-ce que vous avez vraiment un partenariat avec les associations, tout simplement, pour la basse vision, ou c'est anecdotique? De mon côté, pas du tout. Hein, c'est anecdotique. Donc nous, voilà, on fait ça de façon indépendante. Et après, voilà, je sais que je vais voir quelques orthoptistes pour parler de ça, ou des fois mon directeur va communiquer un peu dans les maisons de retraite aussi, mais sinon, non, on ne communique pas avec les associations, ça m'arrive rarement. Alors c'est dommage, parce que c'est important d'en parler, je suis moi-même président d'une association à côté, et j'en parle de tout ça, j'en parle beaucoup, oui. J'en parle aussi sur ma chaîne YouTube. Donc je pense que le rôle des associations, c'est de faire ce job, quoi. Enfin, parler parce que... Je sais que vous êtes très actif par rapport à ça. Il n'y a pas de fichier des non-voyants ou de la basse vision, c'est strictement interdit. Et donc seules les associations peuvent en parler autour d'eux, c'est important. Oui, oui. Important. Tout à fait. Bien, Alan, merci encore. Franchement, très sympa. Merci à vous. Le temps est passé beaucoup trop vite. Tout à fait. Pour nos auditeurs, je leur donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission de Il y a des choses à dire. En attendant, portez-vous bien.